Bonsoir chers auditeurs de Vibration. Vous écoutez Milky Ways, l'émission de musique électronique, c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances malgré le temps maussade. Alors pour cette rentrée, nous passons à l'épisode 20. Et l'épisode 20, c'est Nico Parisi qui s'y colle. Toujours le RAF au micro. Alors le premier morceau de la sélection de Nico Parisi, il s'agit de Gaetano Barone alias Gay Barone, un italien, sous le label Bonsai. Et le titre, un original mix, c'est Cartaria. On écoute ça. This is Milky Waves, hosted by RAF, with on the decks, Nico Parisi. Thank you. C'était Gay Barone avec Cartaria. Milky Waves, toujours sur Vibration, avec le prochain titre, avec une équipe de trois jeunes DJ producteurs. Ils se nomment Phonic Scoop et le titre c'est Sand. Voilà, après Phonic Scoop et Sand, on va écouter un DJ et musicien qui s'appelle Zakir, de son prénom Ali Sultanov. Il joue beaucoup à Moscou, mais aussi en Espagne, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays. On va l'écouter dans un air qui prend une tournure orientale sur la fin. Ça s'appelle Different Fates. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. We'll be right back. Voilà, c'était Zakir avec Different Fates. Vous écoutez toujours Milky Waves, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Et le prochain artiste que nous allons écouter, c'est Stan Rich avec le morceau Elevate, un morceau très marqué techno-progressive. C'est parti! This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. c'était Stan Rach avec Elevate. À suivre, il produit depuis Hambourg, il s'appelle Oliver Unterman et le titre c'est Skatten. I'm not going to do that. Nous venons d'écouter Oliver Hunterman avec Skatten. Toujours sur Vibration, nous allons passer la deuxième moitié d'émission avec Ten Walls. Et le titre, c'est Walking Boots, avec une petite voix de Black derrière. C'est parti. Alors après Ten Walls et Walking Boots, nous allons écouter l'artiste de l'année par la team Beatport en 2012. Elle s'appelle Maya Jane Coles et le titre c'est Something in the Air et c'est un remix Dark Sky. l'écoute sur Milky Waves, c'était Maya Jane Coles avec Something in the Air. Toujours le Raph au micro pour vous accompagner jusqu'à 22h et Nico Parisi au platine. À suivre, trois morceaux que nous avons déjà eu l'occasion d'écouter sur Milky Waves. Le premier d'entre eux, c'est Solomon, un DJ très populaire, le cerveau du label Dynamic. Nous avons eu le plaisir de l'entendre il y a un petit peu plus de 3 mois. Il nous revient avec un original mix, Medea. On écoute ça. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. Voilà, après Solomon et Medea, nous allons passer à Marcello Vasami, qu'on a entendu il y a 3 mois, c'était déjà avec Nico Parisi. Cette fois-ci, il nous revient avec le titre « Vocal Femme ». Thank you. Voilà, c'était Marcello Vasami avec Vocal Femme, toujours sur Milky Ways avec Nico Parisi au platine et le Raph au micro. On va écouter le dernier morceau de cette sélection Nico Parisi. Il s'agit de lui-même avec Guy Barone. Le titre, un original mix, il s'agit de Perla. On l'a entendu il y a 3 mois, mais comme on aime ça, on recommence. C'est parti. Milky Way. Voilà, c'était Nico Parisi et Gay Barone avec le titre Perla. C'était une sélection de Nico Parisi. Il est bientôt 22h, on va devoir se quitter malheureusement, mais on se retrouve dimanche prochain évidemment. Bon pied, bon oeil, en grande forme. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente semaine et à la semaine prochaine. Bye bye. You can never conquer death.